On n'entre pas facilement dans la poésie souvent hermétique de Stéphane Mallarmé. Mais j'ai fait de mon mieux avec ces 7 poèmes tirés de ses poésies complètes publiées entre 1887 et 1899.